Unité 4. 3. A. Cyrano. Cyrano de Bergerac. Presque 400 ans. Non, je suis né à Paris. Non. Oui, bien entendu, c'est Roxane. À Paris. Écrivain, mais poète aussi.